Les chasseurs de nazis. Chapitre 3, les précurseurs. Cinquième épisode. Je suis Fritz Bauer. Je fus nommé aux fonctions de procureur général de Francfort en 1956. J'ai tenté de contribuer à l'élaboration d'un système de justice démocratique en Allemagne, à la condamnation cohérente et légale des injustices nazies ainsi qu'à la réforme du droit pénal. J'étais une figure controversée en raison de mon engagement sociopolitique et dans le système judiciaire allemand de l'après-guerre, je vivais comme en exil. Extrait de la pièce de théâtre Fritz Bauer de Pierre-Marie Baudouin. Mon unique souhait est que ces crimes ne se reproduisent plus. Ceux qui me connaissent suffisamment savent que j'ai une foi absolue dans la jeunesse allemande et celle du monde entier. Je n'insisterai jamais assez sur ce point. Malheureusement, nous savons combien les jeunes sont vulnérables. Dans un monde qui apparaît comme dénué de toute substance, et qui sont capables d'adhérer et de succomber aux idées d'un joueur de foot. Je savais que j'étais un homme haï et en danger. Dès que je sortais du palais de justice, je me retrouvais en territoire ennemi. Donc ce sont toutes sortes de chicanes administratives, d'obstacles, de dossiers qui disparaissent au sein de sa propre administration. Olivier Guez, scénariste du film consacré à Fritz Bauer, un héros allemand. Il n'empêche que Fritz Bauer va quand même réussir une œuvre assez extraordinaire qui sera l'organisation, l'instruction du procès d'Auschwitz, dit procès de Francfort entre 63 et 65. Alors, ces procès auxquels assiste Peter Weiss, oui. Il va écrire la première pièce documentaire, L'Instruction. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, au début des années 60, il y a une nouvelle génération qui émerge, évidemment, en Allemagne. C'est la génération née juste avant la guerre, pendant la guerre ou immédiatement après la guerre, qui, arrivée à l'âge adulte, se pose évidemment de gigantesques questions, qui va interroger la génération des pères, la génération des oncles, pour essayer de comprendre, pour essayer d'en savoir plus. Il y a vraiment un conflit générationnel. Et Peter Weiss est très symbolique, finalement, assez exemplaire de cette génération. Voici 18 criminels de guerre nazis. Ils faisaient partie de ceux qui étaient chargés de l'extermination massive des détenus d'Auschwitz. La plupart de leurs collègues sont toujours en liberté. Eux ont été jugés à Francfort 20 ans après leur crime. Ils ont été pour la plupart condamnés à de courtes peines de prison. Les minutes de cet étonnant procès de Francfort, à un mot près, constituent le texte d'une pièce. En ce moment même, au théâtre de la Commune d'Aubervilliers, en même temps qu'à Londres, Amsterdam et Stockholm, se joue la générale de l'instruction. Accusé Stark, de combien étaient les groupes que vous aviez amenés à l'extermination? En moyenne 150 à 200 têtes. Parmi lesquels les femmes et les enfants? Oui. Trouviez normal que des femmes et des enfants en fassent partie? Absolument. À l'époque, la responsabilité n'était pas individuelle. Elle s'étendait à toute la famille. Il ne faisait pas de doute pour vous que ces femmes et ces enfants étaient coupables. Nos chefs nous avaient dit qu'ils avaient empoisonné des puits, fait sauter des ponts et autres actes de sabotage. Avez-vous vu dans le nombre des prisonniers de guerre? Oui. Ces prisonniers-là avaient perdu toute espèce de droit à un traitement honorable. C'étaient les instructions. Fritz Bauer meurt en 1968, oui. De manière un petit peu mystérieuse. Et disons qu'il meurt dans sa baignoire, et toutes les morts dans des baignoires sont mystérieuses. Donc, effectivement, on n'en a jamais su. On suppose qu'il est... on a évoqué la thèse du suicide, on a évoqué la thèse du meurtre. Après, Bauer était quelqu'un qui n'avait pas une vie extrêmement simple. C'est quelqu'un de très solitaire, qui fumait énormément, qui avait un rythme de travail proprement hallucinant. Voilà, il a pu mourir aussi de sa belle mort, entre guillemets, même s'il était encore assez jeune. Il avait 65 ans à ce moment-là. Alors, il meurt en juillet 1968, et on pourrait dire qu'il ne voit pas la claque que met Beate Klarsfeld en novembre 68 au chancelier, mais on pourrait dire que son œuvre continue avec, par exemple, ce geste incroyable de Beate Klarsfeld. Le geste de Beate Klarsfeld, c'est vraiment le geste de la nouvelle génération. Est-ce que Bauer, peut-être qu'il s'en serait réjoui? Peut-être qu'il aurait condamné ce genre de geste, quelqu'un de très procéduriste, un magistrat, j'en sais rien. Mais effectivement, il loupe le moment où une nouvelle génération allemande commence, je dis bien commence, à s'interroger et à travailler son passé. Les procès d'Auschwitz, c'est 63-65, mais dans l'œuvre de Fritz Bauer, il y a aussi Eichmann. Absolument, c'est l'un des épisodes les plus méconnus qu'on a, avec le réalisateur, Lars Kraume, qu'on a exploré. En fait, Fritz Bauer, en 1957, reçoit la lettre d'un Allemand installé en Argentine depuis la fin des années 30, qui s'appelle Lothar Herrmann. Et Lothar Herrmann croit avoir repéré Eichmann en Argentine. L'histoire est assez rocambolesque parce que la fille de Lothar Herrmann, qui est adolescente, qui s'appelle Sylvia, est la fiancée d'un des fils d'Eichmann. Et ce fils d'Eichmann, Nick Eichmann, vient dîner chez les parents Herrmann un soir et se sentant en sécurité, Herrmann étant le nom le plus germanique qui soit au monde ou presque, commence à raconter vraiment toutes sortes de saloperies, on n'a pas fini la guerre, parle un peu de son père indirectement, et ça met la puce à l'oreille d'Herrmann qui en fait est un juif allemand qui est arrivé en Argentine à la fin des années 30, qui a été torturé par la Gestapo et... chose tout à fait étrange, a perdu la vue. Je dis chose tout à fait étrange puisque celui qui reconnaît Eichmann, qui va mettre finalement Fritz Bauer puis le Mossad sur la voie d'Eichmann, est un aveugle. Voici comment Isser Harel, le chef du commando du Mossad chargé d'enlever Eichmann, relate ses impressions par rapport à l'information donnée par Lothar Herrmann. Des impressions tirées du récit qu'il écrit en 1975 et intitulé « La maison de la rue Garibaldi ». J'avais toujours été convaincu que ce que la famille Herrmann nous avait raconté sur Nicolas Eichmann était vrai d'un bout à l'autre. Et voilà que nous parvenait l'heureuse nouvelle qu'Eichmann habitait toujours les environs de Buenos Aires et que de plus, on savait de façon quasi certaine où trouver son fils. Sans attendre plus longtemps, j'intensifiais les préparatifs du plan d'action à suivre dès que nous aurions vérifié que Ricardo Clement était Adolf Eichmann. Ce qui fait que le Mossad, lorsqu'il dépêche une première mission en Argentine pour vérifier les suppositions, les dires de Fritz Bauer, se rend compte que l'informateur de Bauer est aveugle. Et cette opération, qui finalement aurait pu être organisée bien plus tôt, va prendre du retard, notamment à cause de la personnalité d'Herrmann, qui n'y peut rien bien évidemment. Ce qui fait que le Mossad va demander une deuxième source à Fritz Bauer. Fritz Bauer, qui, encore une fois dans le titre, fait face à l'État allemand, préfère donner l'information non pas aux services secrets allemands, eux-mêmes noyautés par l'ancien nazi, mais au Mossad. Oui, puisque Fritz Bauer n'a pas confiance ni en les services diplomatiques ouest-allemands de l'époque. Un exemple, l'ambassadeur d'Allemagne en Argentine, qui s'appelle Juncker, est un ancien proche de von Ribbentrop. Donc le ministre des Affaires étrangères d'Hitler, toutes les administrations allemandes sont infestées de nazis, d'anciens nazis. Et donc, pour mettre la main sur Eichmann, il va faire appel au Mossad en proposant un deal très clair. Je vous donne Eichmann, mais vous me le rendez parce que je veux organiser le procès en Allemagne. Et voilà, on sait tous, le procès n'aura pas lieu en Allemagne, mais aura lieu à Jérusalem. Parce qu'à un moment, Fritz Bauer se fait doubler par la réalpolitik, c'est-à-dire les intérêts de l'État d'Israël, qui a besoin de livraisons, de machines, d'armes ouest-allemandes, et l'Allemagne qui est ravie de ne pas organiser le procès du grand ordonnateur de la Shoah chez elle. Je savais quand je me levais de mon bureau à l'aube que pour tout ce qui concernait les Juifs, il était l'autorité suprême. Les chasses à l'homme et les massacres, il en avait tiré les ficelles. Je savais qu'à tous les procès de Nuremberg, où on avait jugé des criminels nazis, cet homme avait été désigné comme le boucher en chef. Je savais que les méthodes policières n'avaient pas de secret pour lui et que fort de sa compétence professionnelle et de son manque total de conscience morale, il constituerait un gibier redoutable. Les chasseurs de nazis, c'est fini pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les notices bibliographiques sur notre site internet, un site internet préparé et conçu par Christine Bernard. Témoignage traduit et dit par Eve Der et Michel Zlotowski. Texte lu par Elisabeth Mazève et Xavier Xapla. Prise de son, Olivier Dupré et Julien Douminc. Cette histoire, mixée par Alain Joubert, réalisée par Jean-Philippe Navarre et racontée par Michel Pomared, revient dès lundi avec le chapitre 4 intitulé « Des agents en Argentine.